نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب سؤال question. ايش في سكوا في في اسم مجرور comment ça s'appelle harf jar وما معنى في ça veut dire quoi في Non. Et Ala c'est pareil. Et qu'est-ce qui se passe sur un. C'est quoi le travail de. Il y a un point de vue grammaire, c'est au club. Point de vue grammaire, c'est quoi le travail de fi ou de Ala? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elles produisent quand ces lettres-là? Bah, ça rend le ismo qui est ici, ça le rend majoro. C'est-à-dire majoro? C'est-à-dire qu'il est moksa. Non, Arsène, tu prends une kasra. Et Aïna, c'est quoi Aïna? Aïna, c'est. Ismi, l'Istifan. Aïwa. Yesh. C'est dans la construction de la phrase, il est. Avant ça, c'est quoi son sens? Ah, son sens, ça veut dire où? Où, t'as dit? Non, il est Meken. Wahoua, c'est quoi Wahoua? Wahoua, c'est. Damir. Mouzakar, Moufrad. Nam, Ghaïb. Taïb. Ghaïb. Ou Ahia? Ahia, c'est la même chose, mais Mouanna. Taïb. C'est quoi la différence entre un nom propre masculin et un nom propre féminin en arabe? En règle générale, c'est les noms féminins qui terminent par la Dhamma. Là. Confondu. Pas d'homme. Ça, c'est un truc dans lequel beaucoup de gens tombent, la différence entre la Dhamma et le Tanwin. Il peut se terminer par une. Il peut se terminer par une fatra aussi, un nom féminin. C'est pas ça la différence. Ouais, non, parce que il prend pas le Tanwin en fait. Voilà. C'est ça que je veux dire. Parce que Tanwin, il rentre dans la Dhamma, dans la fatra et dans la kafra. C'est pas propre à la Dhamma. Ouais, d'accord. Taïeb. Je sais que souvent les frères là-dessus ils se confondent, tu vois. Ouais, moi ce que je veux dire c'est qu'il y en a qu'une, quoi qu'il arrive, il y en a soit une dame, soit une dame. Non, il prend pas de tanouille. Voilà, il prend pas de tanouille. Taïeb. Et nos masculins, il prend de tanouille. On avait dit c'était pareil pour les noms masculins, mais qui avaient une forme féminine. Voilà. Comme Hamza, Talha, Muawiya, Salama, et ainsi de suite. Taïeb. On avait dit quel exercice pour aujourd'hui Le long là, le 1, page. طيب أجيب عن الأسئلة الآتية طيب ها طيب السؤال الأول première question أين الكتاب الكتاب على المكتب نعم deuxième question أين محمد محمد في الحمام في الحمام في الحمام أين الساعة الساعة على فراشي نعم ما معنى فراش dans ce que j'avais vu c'était au moins je crois que c'était un lit spécialement mais en arabe apparemment c'est l'endroit où tu dors donc ça peut être genre par terre ou un lit enfin c'est plus général que ça ouais, ouais, en fait c'est pas l'endroit où tu dors c'est une chose qui s'étend par terre comme ça on peut appeler ça firash tu vois la moquette là le tapis on peut l'appeler firash et c'est pas forcément dans dessus Faracha, c'est. Faracha, c'est. Étaler quelque chose. C'est-à-dire une chose étale et faire un firache. Par exemple, un matelas, il va être étalé, une couverture va être étalée. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça firache pour dormir. Mais un firache, c'est pas forcément pour dormir, c'est toute chose que tu mets par terre et qui s'étale. Mm. Et souvent, c'est employé pour le lieu de. Pour une litière, tu vois. Un lieu de sommeil. Ça y est. Quatrième question. Aina Yassirun? Yassirun, c'est le matbah. Taïeb. عندك محمد أين آمنة مع هذا الكتاب؟ لا. أين آمنة؟ نعم أين آمنة؟ هو في المدرسة. ها؟ في المدرسة. إيش في المدرسة؟ ها؟ نريد مبتدا. مبتدا؟ مبتدا ثم خبر. أين آمنة؟ هي في المدرسة. طيب هي في المدرسة. ياسر في المطبخ؟ نعم هو في المطبخ. من في الغرفة؟ من في الغرفة؟ آمنة في الغرفة. آمنة في الغرفة. Et là, regardez la construction grammaticale de man fil gulfa, c'est la même que Eina la fin. Ouna man fil gulfa, l'umtada, c'est man. Et fil gulfa, c'est khabar. Vous voyez? Les deux sont makira, on va dire. Ou plutôt, on va dire man, c'est makira. Mais s'il y a une phrase avec un harf majeur qui vient derrière, on le met en premier, ça viendra après, Inch'Allah. Donc là, sachez que dans Man, fil Rulfa, l'Umtada c'est Man, et le fil Rulfa c'est le Khabar. Parce qu'on dit quoi, l'Umtada c'est forcément un ism. Est-ce que fil Rulfa c'est un ism? Fil Rulfa? Non. Non. C'est pas un ism, donc il ne peut pas être Umtada Abadan. Donc ça va forcément être quoi? Man. Même si le Nakira, il est prioritaire qu'il ait fait un ism. Donc il sera mis en tant que Umtada. Et en plus, on a dit que le Asma et Stifham sont toujours en début de phrase. Également, toujours. Quand tu fais une question, ism Stifham. في صدر الكلام اللي عندي بيتفاز. طيب ومن في الحمام عند من؟ ومن في الحمام داخل في الحمام. طيب ماذا على المكتب؟ على المكتب ورق. طيب ماذا على السرير؟ على السرير ولد. طيب ensuite on avait dit اقرا واكتب مع الضبط اواخر الكلمات. حامد on se dit non là voilà. حامد حامد نعم زينب زينب آمنة آمنة عمار آمنة آمنة لا منص آمنة آمنة تصف الشيبو تصف في نقال آمنة اللي برصوبة شيبو اللي بمدي النص. طيب سعيد سعيد سعيد سعيد نعم فاطمة فاطمة نعم كما هو دي السنغال فاطمة فاطمة فاطمة فاطمة مريم عندك مريمون ها مريمو اه مريمو يا فتى نوين علي خالد خالد نعم عباس عباس عائشة عائشة محمد محمد لم يحصل سنة جهاز محمد لم يحصل سنة جهاز محمد محمد Mahamadou. Les autres noms, il y en a aussi. Les autres noms. Aïcha. Assetou. Hein? Assetou. Assetou? Ouais. J'ai jamais entendu Assetou. C'est la version Aïcha de. C'est Aïcha en. C'est la version Aïcha, mais j'ai entendu. Ah, j'avais pas entendu celui-là. Assetou. Assetou, Nam. Assetou, Nam, j'ai entendu. Mais Assetou, il n'y avait pas entendu. Ah, donc Assetou, c'est de Aïcha. Oui. Et Mariam? Comment on dit? Mariam. Mariama, il y a comme il est. Et là, on dit Mariamou. Mariamou. Et moi, là, c'est pas Moun. On a dit les noms féminins, les noms propres féminins, ouais. Ils prennent pas de Tanouine. C'est tous les noms féminins, c'était pas. Les noms propres féminins, ils prennent pas de Tanouine. Ouais, mais c'était tous les noms propres. Ah ouais. Ah bon. Mais Adem, c'est un nom propre féminin. Ça, il se met Alem ou Annas. Non, je sais que c'était que ceux qui terminaient par un tabac. Là, là, là, tous les noms féminins. Regarde Zainab, il n'y a pas de tête, Zainabou. Fatiya. Wa alaykoum as-salam wa rahmatoullah. Khadija. Khadija, c'est quoi la version sénégalaise? Il y en a une? Khadija. Khadija, c'est Khadija. Ça, Khadija? Ouais. En fait, c'est pas tous qui ont été changés. Bon, après, normalement, même Khadija, ils l'ont déformé quelque part. Ah, je sais pas, je le connais pas. Khadija, je crois que j'ai entendu Khadija. J'ai entendu Khadija, j'ai mis quelque chose Khadija. Tayyib. Les Algériens, ils ont changé aussi. Ça reste tel quel. Ils peuvent pas changer. Ah si, ils peuvent changer. Bah, par exemple, il y a des noms qui ont été changés. Maroc, Algérie, tout ça là, Tunisie. Hmm? Peut-être changer dans la langue, mais pas dans l'écrit. Là, pas dans l'écrit, mais dans la prononciation, ils peuvent le changer. Par exemple. Nous, Khadija, des fois, il y en a, ils mangent un peu. On va dire Khadija. Hein? Khadija, ouais. Khadija, ils mangent un peu. Ah, non. Moi, je sais qu'il y a des mots, il y a des noms qui ont été légèrement changés. Là, je ne viens pas en mémoire, je sais qu'il y a. J'ai déjà entendu des noms qui ont été légèrement changés dans certains pays, même les pays arabes. Vous voyez, après, on rentre dans la deuxième partie de Ders. On va prendre deux nouveaux harf jar. Non. On va prendre aujourd'hui min wa ila. Voyez. Mathalem al-baytu takul min al-bayti. Voyez. Maman a min. Parmi les sens, il y a beaucoup de sens à mine. D'ailleurs, tous les frojar, ils ont un mana asli, un sens d'origine, et après, ils peuvent changer de sens en fonction de la phrase. C'est-à-dire, c'est pas catégorique. C'est pas dans l'absolu. Par exemple, si on a dit ça voulait dire dans, ça peut aussi venir dans mana sur. Par exemple, Allahu fi saba. Vous voyez? Est-ce que Allah est dans le saba? Au-dessus. Mana fi saba, mana ala. Que le sabah c'est makhlouk, c'est une créature. Allah il n'est pas dans sa créature. Donc là, manafi, ça veut dire Allah à ce moment-là. Vous voyez? Là, c'est des détails importants qui vont rentrer dans l'akida, tu vois. Que c'est pas tout. Faut pas prendre chaque chose dans l'absolu au début, tu vois. Au début, on vient qu'un sens primaire, tu vois, pour une première compréhension. Et après, au fur et à mesure, en tadarrouj, comme on dit ça, les choses sont développées, à savoir que. C'est des détails minutieux qui font que beaucoup de gens sont égarés dans la raqida, tu vois, dans les sens, dans la langue arabe. Donc la base de ces huruf jar, c'est, on va dire, c'est le sens d'origine que se comprend maintenant. Mais après, il y a d'autres sens qui viennent derrière, Inch'Allah. Donc min, le sens d'origine, c'est al-ibtida, c'est-à-dire la chose d'où ça a commencé ou d'où tu viens. Par exemple, la provenance. Ah ouais, on peut dire la provenance. Al-baytu, par exemple, la maison, nil-bayt, de la maison. Par exemple, je dis Mohammedun min al-Sénégal. Mohammed est du Sénégal. Il vient du Sénégal. Ça y est. Donc, ça dit min, c'est tout le temps Moubtada. Non, ibtida. Ibtida, le sens d'origine, c'est ibtida. Mais, ça vient pour d'autres sens aussi. Et puis là, c'est le début, comme tu dis, la prononce. D'où la chose commence, en fait. Tu vois. Le petit dé, c'est comme ça. C'est le début de la chose, quoi, en fait. ابتداء بتوء كسر صاد ابتداء كذا ابتداء يبقى فعل طيب Donc tu dis par exemple, Alain, Hamedoun, Minel Sénéral, Abdelkader, Minel Jazaïr. Donc, Ibtida, bon, on ne peut pas dire Ma'arifa, on ne peut pas dire. Qu'est-ce que Ma'arifa ? Ibtida. Non, dans Ibtida, je ne sais pas, ça n'a pas de. Ibtida, c'est le. Une provenance, début d'une chose. Par exemple, c'est pas sa nature, c'est ce que ça veut dire. D'où ça vient ? C'est juste la traduction de genre. Ouais, c'est une traduction approximative. C'est la définition, ouais. Tu vois ? Donc, ma'ana min, wa, yufidu, bel, yufidu, el ibtida. Sa nature, c'est ism. C'est ahafja. Hafja. Hafja, comme fi, ou comme ala. Toi, tu croyais que ibtida, c'est déjà ? C'était la nature ? Non. Thumma, on a pris. Le deuxième c'est il est. Par exemple, il dit El Masjidou, il est El Masjidi. Enfin, il est c'est le axe de mine. Ça y est. El Masjid, c'est toi qui as sorti ta tête. Non, il est là. Il est sous Kitab. Il est. C'est le contraire. Ça, c'est El Intaha, l'aboutissement. Al-intaha, la fin de la chose en fait, on va dire, l'aboutissement. Par exemple, tu dis Ilan. Ilan, âme. Très bien. La sainte coule. Kharajtu min al-bayt. Kharajtu, c'est un actuel au mardi, vers le passé. Je suis sorti de la maison. Vous voyez Kharajtu min al-bayt. وَأَذْهَبُوا إِلَى الْمَسْجِدِ Et je vais au masjid. Tu vois, c'est la direction, là où tu termines, l'aboutissement. Ouais, tu vois. C'est le but visé, en fait, tu vois ce que je veux dire. Mais les gens, la traduction littéraire de Intas serait plutôt aboutissement à la fin de la chose. Mais ça, c'est comme le frère l'a dit, la direction. أَذْهَبِي لَكَذَا Et je vais vers là-bas, je vais là-bas. C'est ha alif. Nam ha alif. Hamza. Ibtida'un. Ibtida'un. Ibtida'un. Très bien. Après, avec des exemples, il dit Al-Mudarris, là on a un hiwar. Ça s'appelle un hiwar, c'est une conversation. Tu vois, hiwar. Avec Al-Mudarris et Mohamed. Al-Mudarris, il dit à Mohamed Min, Aina, Enta. Voyez, min aina anta. Ça a duré d'où tu es. Voyez, anta c'est un damir aussi. Voyez, anta c'est un damir. Il mukhatab al-muzakkar. Toi en fait. Serais-tu. On a pris huwa ams et hiya. Huwa c'est il, lui. Hiya c'est elle. Et anta aujourd'hui c'est toi. Voyez. Zamir, Muzakkar, Mukhatab. L'autre c'était Ra'ib, celui-là c'est Mukhatab. On les écrira après, Inch'Allah. Le Muzakkar. Alors, Mohamed, donc d'où tu es ? Min Aina Enta, il serait d'où tu es ? On dirait comme ça. C'est Muzakkar et quoi ? Muzakkar. Mukhatab. La Mukhatab, Muzakkar et. Mufrad. Donc, Mohamed, il dit Ana Minel Yaban. Donc, Ana, c'est aussi un damir. Voyez, c'est moi, je. Ana, c'est un damir. Comme on l'a dit, un pronom personnel aussi. Moi, je. Ana, min al-Yaban. Je suis du Japon. Ana, c'est un damir. Je vous damir. Damir mutakallim, mufrad. On va aller prendre leur nom après, Inch'Allah. Moussik. Il ne faut pas trop s'embrouiller entre Hafajar, Damir et Sifam. Tu vois, après ça va faire un nœud. Taïeb, donc il dit Ana min al-Yaban, je suis du Japon. Al-Mudarris, il dit wa min ayna Ammar. Et d'où est Ammar? Voyez, wa min ayna, min c'est comme on a dit, c'est quoi? L'ibtida. Ayna c'est le lieu, wa Ammar c'est celui qu'on vise. Donc d'où est Ammar? Mohammed il dit huwa et damir min as-Sin. As-Sin c'est la Chine. Voyez, as-Sin c'est la Chine. C'est avec un sort. Non, avec un sort. Hein? Wa alaykoum as-salam wa rahmatullah. Mudarris yakoul wa min ayna hamidun. D'où est Hamid? Wa min ayna hamidun. Ayna c'est quoi? Ayna c'est où? Nessa. Hein? Ismi sifham. Hein? Quand? Non, je sais pas. Je me rappelle pas. Je dis Sine, c'est la Chine. Ah, je me rappelle pas. Tayeb. Wa min ayna hamidun. Donc là, vous avez vu, comme je vous avais dit, qu'une question commence toujours par l'ismi sifham. Il y a des exceptions quand il y a harf jar qui vient. Tu peux le faire commencer par harf jar. Parce que si tu dis ayna hamidun, la question est pareille. Si tu dis Aïna Hamidoun, c'est où il est maintenant. Et si tu dis Min Aïna Hamidoun, c'est d'où il vient. Tu vois, sa provenance, elle est d'où. Donc là, on est obligé de mettre le harf jar devant. Tayyib. Kale Hua Min El Hindi. Tayyib. El Hind, c'est l'Inde. Donc il est de l'Inde. Vous avez ça cool. Aïna Abbasun. C'est-à-dire maintenant. Aïna Abbasun ou Abbas. Mohamed connaît Kharaja. Tayyib. Kharaja, c'est quoi ça? Kharaja, c'est un fi'al. C'est un verbe. Kharaja, c'est un verbe. Donc, de là, nous avons appris les trois genres de kalimètes qui en arabe. Le ism, le nom. Le harf, qui peut être particule ou une lettre. Et le fi'al, qui est le verbe. Il n'y a pas d'autre chose. Il n'y a pas d'autre chose, c'est trois choses de l'art arabe. Ism, harf, wafial. Après, chacun, ils ont des signes et des apparences qui font que tu arrives à les distinguer les uns des autres. Au début, c'est confus, mais après, avec le temps, Inch'Allah, avec les règles, ils ont des signes afin de pouvoir les distinguer les uns des autres. Donc, nam, c'est un verbe qui veut dire il est sorti. En fait, c'est un verbe au passé, là. Fial mardi. Vous voyez? Fial mardi. Fial. Fial. Fial. Fial. Fial. Fial. Fial. Fial. Fial. Fial. Mim. Alif. Dod. Avec un tanwin. Tanwin. Kasra. Mardin. Dans le passé. Non, c'est le passé. Mardi, c'est le passé. Donc, Aina Abbasun, Mohamed Kale, Kharaja. Elle est sortie. Tayyib, Kharaja. Moudarif Kale, Aina Zahaba. Zahaba, c'est un autre fiel encore. C'est aller. Tayyib, aller. Parti, Anam. Donc, où est-il allé? C'est la question. Où est-il allé? Mohamed Zahaba ila al-Mudiri. Il est allé, on va dire, au, tu vois, directeur. Nous, en français, on dirait plus chez, tu vois, mais bon, là, le ila veut dire là, où est-ce qu'il est parti? Il est parti chez le directeur. Mais on dira au. Tu vois, il est parti au directeur. Ça se dit pas à nous, mais là, on est obligé de le mettre. Parce que si tu dis chez, en arabe, chez, c'est encore un autre truc. Si vous dites chez, après, ça sera dans la tête que il est, ça veut dire chez. Alors qu'il est, on a dit, c'est une théâtre, c'est une direction d'aboutissement. Tu vois. Ça se dit pas, mais là, on est obligé de le mettre comme ça pour vraiment distinguer ce que veut dire il est. Et le pire, Zahaba. Zahaba. Ça y est. Zahaba. C'est un fil quand il vient. El-Moudir, ça veut dire quoi? Moudir, c'est le directeur. Zahaba, en général, ça vient toujours de la nuit, il est. C'est pas tout le temps, c'est en général. Non, bah, pardon pour la question. Et il a Zahaba. Il n'a pas dit il est. Une question. Mais la base, c'est que c'est il vient toujours derrière. Quand tu vas indiquer la direction, Zahaba, vous voyez, tout le temps suivi par il est. Zahaba, il est Kaza. Par exemple, Zahaba, il est Mosjid, il est parti à la mosquée. Zahaba, il est le Beit, il est parti à la maison. Et tu peux dire aussi Zahaba, tout seul. Mais si tu veux indiquer la direction où tu as été, d'accord, lieu, tu viens il est obligatoirement. Taïeb Souma, ensuite il dit, il mudarris, wa aina Zahaba Aliyun. Et où est parti Ali? Vous voyez, Zahaba, il est revenu encore là. Mohamed Yakoul, Zahaba ilal Mirhad. Mirhad, on a dit que c'était le lieu pour accomplir ses besoins. C'est les toilettes en elles-mêmes. C'est vraiment les toilettes. Donc, c'est compris le marna de mine et il est. Taïeb Tambi, regardez tout en haut, dans la première ligne. Quoi Tambi ? Une remarque, attention. Il a écrit mine. Min al-Bayt. Normalement, min, c'est avec une soukoun. Vous voyez ? Normalement, c'est une soukoun. Là, regardez la min fatha. Il y a une cause. Cette fatha-là, on va dire qu'elle est. Elle est optionnelle. C'est une option, elle n'est pas obligatoire. Mais là, dans ce cas-là, l'obligatoire, mais à la base. Il n'y a pas de fatha sur le harf al-jar. Normalement, c'est le soukoun. Min, c'est soukoun. Toujours. Maintenant, là, il y a une cause. Pourquoi ? Parce qu'en langue arabe, tu n'as pas le droit de faire en sorte que deux lettres avec le soukoun se rencontrent d'affilée. Vous voyez ? C'est une chose qui n'est pas permise. Les arabes ne parlaient pas comme ça. Et pareil, un mot ne commence jamais par un mot sa'akin. Par une lettre sa'akin. Vous voyez, les arabes, ils commencent par une lettre sa'akin. Des mêmes. Harf ou taharika, c'est pour ça, souvent quand tu entends des gens qui parlent arabe, ils vont te dire par exemple un mot star, par exemple, regardez toi, ça c'est sotra. Tu vois, les arabes ils n'ont pas dit star, tu vois, jamais commencer par un mot sakin. Sachez que en Tunisie par exemple, ils disent comme ça, peut-être aussi en Algérie, partout, les Tunisiens beaucoup ils commencent par des lettres sakin. Tu vois, et ça les arabes ne parlaient pas comme ça. Ça on va dire, ils ont déplacé les harakat, le mot il est resté pareil, mais ils ont changé la prononciation du mot. Et les Arabes, ils commencent toujours par un mot, par une lettre qui est une haraka, qui est une voyelle. Toujours. Ils commencent par une lettre sakin. Donc là, et pareil, tu ne trouveras pas deux lettres sakinat d'affilée. Et si jamais ça arrive, à ce moment-là, tu es obligé de mettre une haraka pour empêcher que ça arrive. Comme là, par exemple, à la base, c'est quoi, regarde ? C'est min. À la base, on a quoi ? On a un nom sa'akina. Après, on a Hadrat al-Wasl de El Beit. Et à la base, il est sa'akin pareil. Et ça, c'est une chose qui n'est pas permise. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour pas que ça arrive ? Ils ont mis une fatha sur le min. Min El Beit. Ça, c'est une règle importante qui viendra après. Vous voyez ? Ça s'appelle. Il tika sakinain. Il tika ou sakinain. Il tika, c'est la rencontre. Sakinain, c'est deux choses qu'on se connaît. Vous voyez ? Iltika Sakinain. Donc, Iltika Sakinain, في اللغة العرب لا يجوز. Je sais pas que c'est un péché, mais ça rentre pas dans les règles, quoi. Iltiqa'un. Iltiqa'u sakidain. Ou, c'est juste dhamma. Ouais, non. Donc c'est pour ça que cette fatha là, elle a été mise. Donc cette règle là, elle est importante à savoir car elle est souvent appliquée. Et vous la verrez dans beaucoup de hurouf. Puis l'orat est l'arabe. Non. العربية. ها؟ لغة العرب. اللغة العرب. أنت تتكلم العربية فرنسا. اللغة العرب. صوت صوت من فرنسا تبقى. اللغة العرب اللغة العرب. نعم. لا يجوز. ممنوع. Maintenant on a compris pourquoi là il y a une fatha qui est venue, et c'est une chose qui va beaucoup se répéter dans les cours à venir. Donc c'est compris le min et il a. Donc tamarin yakul ajib anil as'ila al atiya. Regardez là, ça vient encore. Ajib anil as'ila. An c'est harf jar. Pareil. Et à la base, c'est une soukoun. An. Regardez, ils ont mis une kafra. Pourquoi? Pour cette règle-là. Parce que qu'est-ce qui vient derrière? Hamzat al-wasl. El-as-ila. Donc, pour pas qu'il y ait de rencontre entre le noun de an et le alif ou le hamza al-wasl de alif al-lam, ils ont mis une kafra sur le noun. Pour cette même règle-là. Pourquoi ils ont pas mis une fatha? Alors, après, c'est une autre règle encore. Des fois, c'est une kafra. Des fois, c'est une fatha. Et ça c'est une damba. Ça c'est dans l'imlet. Inch'Allah. Donc an, comme vous voyez là, c'est aussi harf jar. Donc c'est asila, inch'Allah, elles seront pour ghadan. Ça c'est wajib le wajibat fil bayt. Min aina anta, a anta min les Philippines, wa man min les Sine. من أين حامد إن ذهب عباس ذهب علي إلى المدير سيكي السؤال إن شاء الله في البيت أيام لغد. طيب لدو أمثبنا إن شاء الله اقرأ واكتب مع ضبط أواخر الكلمات فمتان لبرسيزون لفن دمو لحركة كالفة. C'est l'expression qui m'a adapté, ça veut dire en précédent. Non. Normalement, d'abattant, ça veut dire régler. D'abord. Tu vois. Quand on dit masbout, quelque chose de précis, tu vois. Par exemple, toi, demain on a rendez-vous, tu viens à l'heure, on va dire que t'es masbout. T'es ponctuel. T'es précis. Tu vois. T'es dark écho, si on peut dire. Et le mot quand il n'y a rien, c'est quoi, c'est d'abattant? Non. Bidzabt, non, précis, exactement. Et Nabeït ou Bidzabt, où est ta maison exactement? Je veux savoir exactement où est-ce qu'elle est. Tu vois. De façon précise. Taïeb. Elle roule ça. Là, c'est juste, vous mettez ou Kafra ou Damma, il y a un Hafajar. Comment vous dites? Elle roule ça. Non, elle roule ça tout. Min, elle roule ça. Min al-Ghulfa. Non. Et là, pareil, qu'on va dire min al-Ghulfa dans la liaison, entre le min et al-Ghulfa, on met une fatha. Min al-Ghulfa. En plus, ça va, c'est naturel, ça fait partie du. Non. C'est bon, les règles. Ça va, les règles pour mettre kasra ou damma ou fatra, justement, elles sont facilitées. Elles font normalement, sont toutes seules. Mais si tu t'arrêtes, tu dis min, elle roule ça. Dans la liaison, min, elle roule ça. Voyez. Min al-hammam. Min al-hammam. Al-mirhad. Al-mirhad. Ila al-mirhad. Al-yaban. Al-yaban. Al-philippines. Philippines, c'est les Philippines. Min al-hind. Min al-hind. Ila al-sin. Maintenant il dit Ikra waktub. Chacun va lire une phrase en mettant toutes les halakat, inshallah. Jumel oula, andak ya Muhammad. Il fait son texte. Lève ta voix. Min aina fatimatu. Hiya min al-hindi. Naam. Ahsant. خرج المدرس من الفصل وذهب إلى المدير. ذهب التاجر إلى الدكان. خرج حامد من الغرفة وذهب إلى الحمام. نعم. Pour les noms de pays, mm-hmm. Quand c'est Yahya, c'est Sinoun ou Sinou. Il est toujours avec les fois l'aime. Donc c'est Sinou. Ah, il est Malifa. Donc toujours. Non. Les noms de pays, c'est comme ça. Non. Certains ont pas les fois l'aime, mais ils s'écrivent avec une orthographe spéciale. Mais là-bas, c'est qu'ils ont les fois l'aime. Man kharaja min al-fasl. Non. Sixième. خرج الطالب من المدرسة وذهب إلى سوق. أيوة سوق في المارشي. سوق. المارشي le lieu de commerce. سوق ça peut aussi être attribué d'une rue comme une rue marchande, une rue commerçante, ou un centre commercial. Tous les lieux où il y a du commerce qui s'appuie en gros. C'est un سوق. خديجة من الصين وخالد من المسجد. Là, on a appris une nouvelle chose encore. On met place commerçante, c'est bon. Hein? Ouais, comme tu veux. Ouais. C'est un lieu de commerce. Okay. Souvent, on dit le marché, tu vois. Souvent, c'est. Mais nous, en France, on a une connaissance du marché qui est spéciale, tu vois. C'est vraiment genre avec les stands étalés, ouais. Alors que le tour, c'est plus large que ça. Il y a des marchés, comme tu as dit. Tu vois tout le monde passe. Souvent, le marché, on va dire, il a une. Et la structure qui lui est propre, quoi. En tout cas, c'est un lieu de commerce. Voyez. Donc aujourd'hui, on a pris également le fi'l, le verbe. Et le fi'l, il a besoin de quoi? D'un fa'il. Al-fa'ilu. Le fa'il, c'est celui qui fait le fi'al. Donc, en français, on dit le sujet. Vous voyez, le sujet. Philippines. Attends, et tu écriras après. Juste regarde ça, c'est important. Donc, après un fi'al, on a toujours un fa'il. Vous voyez, ce qu'on appelle le sujet. Le fa'il, en langue arabe, il vient toujours après le fi'al, jamais avant. Jamais avant. Si vous voyez un nom qui revient, même dans le sens, qui peut être un fa'il, c'est pas un fa'il. Le fa'il, il vient que après le fi'al. Vous voyez? Et ça, c'est mutlaqan, dans l'absolu. Tu verras jamais un fa'il avant un fi'al. Il vient toujours après lui. Ou directement après lui, ou peut-être longtemps après lui. En tout cas, il vient après. Donc, son premier signe, déjà, qu'il vient après le fi'al. Vous voyez? Donc, parmi ces signes, le premier, bab, Al-Fial. Bab, c'est après. Bab Al-Fial. Deuxièmement, il est marfou, comme le mutadil khabar. C'est-à-dire, à la fin, d'amba. Fa'il marfou. Wa. مرفوع طيب هو مرفوع او اتقضى وجوبية اقضية هو اسم تجمع اسم طيب فعيسى اسم وصفاء حرف جار Et c'est pas notre fial. C'est un ism. Thumma ya'ti ba'd al-fial. Il vient après le fial. Toujours. Et troisièmement, il est marfou. Il prend dhamma. Tout ça, c'est absolu. Ça, c'est les trois règles du fial, du fial, pour que tu le reconnaisses. Chaque chose, comme on a dit en langue arabe, a des signes pour que tu le reconnaisses. Quand tu as distingué le mutada du khabar, le fial du fial. Le fa'il du mutada, ainsi de suite. Et quand tu connais toutes les caractéristiques, quand tu vois une phrase, à la tôle, tu sais quoi la phrase, ce qu'elle veut dire. Par exemple, مثلاً, ذهب محمد. La محمد, c'est le fa'il. Le fa'il est là, c'est ذهب. Il est parti. Qui est parti? Alors, en fait, la phrase c'est Mohamed est parti. Nous en français, le sujet, il vient en premier. En arabe, c'est Zahaba Mohamedun. Donc, comme on a vu, regarde, Mohamed, c'est un ism. Ça? On a dit qu'il vient Bard el Fial. Il vient après le Fial. Il est après ou avant? Après. Il est Marfour. Marfour, khalas. Donc là, si tu vois qu'il vient après un Fial et qu'il a ces trois trucs-là, c'est le Fial. C'est pas Moutada. Et c'est pas un Khabar non plus. Là, c'est un Fial. Et si je te dis Mohamedun Zahaba, c'est un ism ou c'est pas un ism? Il est marfou ou pas marfou? Mais il n'est pas après le fial. Donc ce n'est pas un fa'il. Là c'est un mutada. Dans le sens, c'est une fa'il. Grammaticalement parlant, ce qui va agir sur ça, c'est pas encore venu. Hein? Ce qui va agir, par exemple, si on dit taper, un tel. À taper et on attend le fa'il justement. Non, là, le fa'il, il vient automatiquement. En fait, c'est un fa'il, il est caché. Ça s'appelle Damir Moustatir. C'est Houa et ça vient à Mohamed. Parce que dans le sens, qui est parti, c'est Mohamed qui est parti. Dans le sens, il est fa'il. Mais dans la grammaire, son analyse grammaticale, on va pas dire qu'il est fa'il. On va dire qu'il est Moubtada. Vous voyez? Mais dans le sens, c'est Mohamed qui est parti. Okay. Donc là, on a besoin de quoi? D'un Damir. Pour le personnel qui revient à lui. Donc on va dire Mohamed Zahaba, peut-être. Il est le fa'il, en fait, entendu. Voilà, de toute façon tu ne le vois pas, mais en fait, il faut le deviner, c'est Houa. Et il revient à Mohamed, ça on viendra aussi après, plus tard, c'est juste que, faut pas qu'il y ait de quipoco dans votre tête quand on parle. On va dire, attends, mais, si on met un Ism Marfour comme un fial, c'est lui qui fait le fial, tout ça, c'est bien. Ça dans le tour de l'Islam, mais en arabe, non. Tu vois, ça c'est juste Bab Saïda. Donc là, si on dit Mohamedoun, c'est le Mtada, le Khabar il est où? Zahaba Houa. C'est ça le Khabar. Ça viendra. Ça, c'est parmi les genres de Khabar, c'est aussi une phrase, je voulais faire lire, une phrase verbale, une phrase avec un verbe. Le Khabar, ça va être lui. Le Mtada là, le Khabar, c'est Zahaba Houa. Ça, ça viendra dans les. Dans les catégories. Non, le roi, je ne prononce pas, mais il est là. Tu vois, Moustatir, comme on dit, dissimulé. Toyeb. Un autre. J'aime pas cuire. Un autre truc important par rapport au fial. On n'a pas cours après. Vous n'avez pas cours? Ah, il est halif. Il était halif hier soir. Donc en général, quand il le sort, il n'est pas le matin. Ah, non. important. زهبة. لا محمد قد سيتم قمي لمبتدا. لمبتدا. Plutôt on va s'arrêter là et on prendra le. Ce sera qu'il prendra Inch'Allah demain ou. Dans un autre ders. C'est ma faute? Donc là, même si Zahaba c'est un fiel, quand tu mets Mohamed avant, c'est le groupe et il est. Mohamed. نعم ذهب avec le fa'il la phrase s'appelle jumla fi'liya une phrase commence par un fi'il elle est khabar voilà bien ça نعم donc il est marfou نعم est-ce que la différence du fa'il c'est qu'il vient avant là donc c'est plus un fa'il c'est pas un fa'il mais juste pour savoir si c'est le marfou c'est mubtada marfou نعم نعم طيب Rabian il dit dor fil fara fi ma yali harfa jar مناسبا donc là dans les villes vous devez mettre un harf jar celui qui correspond d'après le sens طيب entre min il est fi ou ala طيب اولا الكتاب الكتاب المكتب نعم الكتاب على المكتب deuxième jumla talibu un al-fasl fil-fasl نعم fil-fasl talibu fil-fasli thalithan troisièmement zahaba hamidun al-jami'a ila نعم ila zahaba hamidun al-jami'a jami'a on a dit c'était quoi université رابعاً خرج طيب انظروا regardez ذهب حامدون ولا حامدون c'est quoi c'est un فاعل il vient après le fi'l il est مرفوع c'est un اسم رابعاً خرج المدير المدرسة نعم من خرج المدير من المدرسة il apparaît le فاعل c'est quoi c'est المدير ذهب محمدون الصين ذهب محمد الى الصين يقول يكتب الى اليابان من اليابان il est parti en Chine du Japon en fait c'est plutôt wa الى اليابان ذهب محمد الى الصين و الى اليابان و الى اليابان طيب نأخذ الكلمة الجديدة المدرسة في الإكل المطبخ في الكوزين اليابان لجابون المدير الديريكتور الفصل في الكلاس ici dans ce texte c'est la classe ça peut avoir en fait ce fosse c'est une séparation des fois dans le contexte tu vas avoir fosse comme un peu pour dire chapitre un petit peu tu vois el rulfa la chambre assino la Chine ذهب فصل فعل طيب شو بدي partir aller الحمام c'est la salle de bain ou le toilette الجامعة c'est l'université الهند l'Inde خرج ça aussi c'est un fiel c'est un verbe vous voyez pas il y a pas حمام donc خرج c'est un fiel aussi fiel ماضي طيب verbe passé qui veut dire sortir. El birhadu, c'est les toilettes. Cross pour les toilettes. El souku, c'est le marché, le lieu de commerce. Ou el philippine, c'est les philippines. Ma'alouf, c'est un nom propre. Ma'afou bahada? Taïeb. Taïla huna. Ou alhamdulillah, rabbil alamin.